comme les gens aisés sous le signe d'une étoile. Je dois trouver ma voile. Je ne suis pas une parvenue éphémère d'amour de lumière. Je cherche sans arrêt à savoir pourquoi je dois savoir tout ça. Quand je suis né, j'ai dû oublier le signe. Chercher de vouloir me bonifier. Est-ce que je me perds en même temps? Ou est-ce que je t'aime de temps en temps? Quand je suis né, j'ai dû oublier le signe où c'était marqué. Quand je suis né, j'ai pas pensé que ma vie serait. C'est compliqué. Sur la paume, sur ma guitare, je ne demande rien sauf ton cœur à côté du mien. 27 ans de galère, tiens comme matin, comme soir.